بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس التاسع بعد المئة. الصنفيم لسون توجور الأحكام دو الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى بكل بامن دير رحمه الله ميم بوان فيفون سكون نو سويت ان فيفون كالله لي فاس ميزيكورد يا با دو مال بارابور ا سولا مي لو بلو كونو شي لي جون سي لو دير حفظه الله وهكذا. نعم. دونك قال في السؤال الثاني وخمسين بعد 800 852 كيستيون. أين يضع المصلي كفيه في التشهد وبماذا يشير؟ واسكو سوي كفي لا صلاة بوز سا مان لور دو تشهد اي افيك كوا اسكي في لانديكاسيون افيك كوا اسكي لانديك. قال يضع المصلي كفيه في الصلاة على فخذيه كي بوز سي دو بوم سور سي كويس او ركبتيه او سي جنو. ويشير بالسبابة اليمنى اي لانديك افيك لو ماجور دو لا مان دروات يعني بوينت دو دوا كو ماجور دو لا مان دروات. ويقعد الابهام والتي تلي السبابة c'est-à-dire en fait il fait un cercle entre son pouce et son majeur. D'accord? Et l'indique avec le l'index vers l'avant. Droit. Et le dalil, c'est le hadith d'Abdullah ibn Zubayr, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفاه اليسرى ركبته رواه مسلم. C'est-à-dire que le Nabi صلى الله عليه وسلم s'asseyait pour invoquer, c'est-à-dire pour tashahhud, et poser sa main droite sur sa cuisse droite et sa main gauche sur sa cuisse gauche et l'indiquer avec son index. D'accord, avec son index. Et poser le pouce sur son majeur, c'est-à-dire il faisait un cercle. D'accord. Wa kaza. Rapporté par Muslim. Soma yaqul fi su'al al-thalith wa 50 wa 800, 853e question. Uzkur at-tashahhud. Cite le tashahhud. Et le tashahhud, on l'a déjà cité auparavant dans notre douloureuse dans le hadith d'Ibn Mas'ud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait le tashahhud. Tamam. Qala at-tahiyyatu lillah, wa salawatu at-tayyibat, assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa al-ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Le hadith est mutafakun alayhi. On a déjà parlé plusieurs fois. Ce hadith-là, c'est le plus authentique qui a été cité dans ce qui touche au tashahhud. ثم قال في السؤال الرابع وخمسين بعد 800 يقول اذكر الصلاة الإبراهيمية la salat que l'on fait sur Ibrahim عليه السلام qui elle se fait après justement la salat du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Et ça c'est comme dans le hadith de le cap de Mu'ujra qui l'a indiqué, qui l'a dit, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث المتفق عليه. نعم. ثم قال في السؤال الخامس والخمسين بعد 800 855 question. ماذا يقول بعد الصلاة الإبراهيمية؟ Qu'est-ce qu'on dit après avoir fait la salat Ibrahimia? Donc ça c'est après le tashahhud. On est pris dans les audios précédents qu'en réalité il n'y a pas d'invocation obligatoire en soi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit ثم يخير من الكلام ما شاء. Il choisit ce qu'il veut comme kalam. Mais les doigts qui sont les plus connus et qui sont les meilleurs à utiliser sont ceux qui sont venus avec un dalil. Donc, Awalen, Yastaïz, Billah, Min Arba. Il recherche refuge auprès d'Allah de quatre choses. Du châtiment de la tombe, de celui de l'enfer, de celui de la fitna de la vie et de la mort, et celui de la fitna du Messie Dajjal. Comme a dit le hadith Abi Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر, فليتعوذ بالله من أربع, من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر, ومن فتنة المحيا والممات, ومن فتنة, أو من شر فتنة المسيح الدجال. والحديث متفق عليه. selon Abu Huraira, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous fait son tashahoud, alors qu'il recherche refuge auprès d'Allah de quatre choses, puis cita les quatre choses qu'on vient de dire à l'instant. Et on est cité avec d'autres adillah, en rejoignant entre eux plutôt, on se rend compte que cela n'est pas obligatoire, mais cela est préférable. Bien que certains ulama voient que c'est obligatoire de faire cela. طيب ثم يقول في السؤال التاسع وخمسين بعد 859 question. ماذا يعمل المسلم إذا كثرت عليه الوسوسة في الصلاة؟ Comment est-ce que le musulman doit se comporter lorsqu'il a trop d'insufflation dans sa salat qui le perturbe, des choses auxquelles il pense malgré lui et qui le perturbent dans sa salat? Comment fait-il pour tenter de s'en débarrasser? قال ينفث عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. Il crachote sans que pour autant qu'il y ait par exemple de la salive qui sorte ou quoi, il crachote trois fois à sa gauche et il recherche refuge auprès d'Allah contre le shaitan al-rajim, contre le shaitan lapidé. Et il fait attention également de ne pas choquer son voisin. Et ça, c'est venu dans le hadith. Dans un hadith de Othman ibn Abi Aas. Il dit justement au Nabi sallallahu alayhi wa sallam que si un shaitan te vient, d'ailleurs ce shaitan il s'appelle Khinzab. Il s'appelle Khinzab. Comme dans le hadith rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un shaitan qui s'appelle Khinzab qui vient pour vous déranger dans la salat. Si tu le sens, fata'awaz billah minhu. Donc recherche refuge auprès d'Allah contre lui. Watfil ala yasirik falafan. Et crachote à ta gauche trois fois. Qala fa'altu dhalika fa'adhhabahu Allah 'anni. Il a dit donc ce sahabi qu'il a fait cela, il a agi de la sorte que Allah a fait partir ce shaitan de lui. نعم ثم يقول ماذا يفعل من سهى في الصلاة؟ Comment doit agir celui qui a été distrait dans sa salat, c'est-à-dire il en a oublié un pilier ou il en a oublié l'obligation ou les alikas. On en a déjà parlé dans les douze précédents, qui fait ce qu'on appelle ce jeu de sahou, qui est la prosternation de distraction, c'est-à-dire en fait la prosternation que l'on fait à cause d'une distraction qui nous a fait oublier une chose dans la salat qui était soit obligatoire soit un pilier. Et on a dit le pilier, il faut le refaire. Et l'obligation, elle, ça se joue, cette prosternation fait guise de compensation pour cet oubli. Et le hadith d'Ibn Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innama ana basharun ansa kama tansawun fa iza nasitu fadhakkiruni wa iza shakka ahadukum fi salatihi فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis qu'un être humain comme vous. C'est-à-dire qu'il m'arrive d'oublier. Donc rappelez-moi. Et lorsqu'il dit d'oublier, il ne parle pas des choses qui lui sont révélées, qu'il oublie. Car là-dessus, il est infaible le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais il peut lui arriver, ce qui arrive à l'être humain dans la salat, penser à autre chose, oublier une chose qui soit une obligation au pilier. Comme cela cité dans des hadiths qu'il a déjà oublié, et cela c'est une seule bonne chose que Allah Azza wa Jal avait qu'ador pour que justement on nous apprenne comment agir dans ce genre de situation. Et une hikma derrière. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si jamais j'oublie alors rappelez-moi. C'est-à-dire que lorsque l'imam fait une erreur dans la salat, le ma'moun, le présidé, lui fait un rappel en faisant un tasbih, en disant subhanallah, à voix forte, pour qu'il l'entende, pour que l'imam l'entende. Et il dit, si l'un d'entre vous doute dans sa salat, par exemple il dit est-ce que j'ai fait 3 rakat ou ce que j'ai fait 4 à la 4, il ne sait plus. Donc il dit qu'il recherche ce qui est le plus proche du sawab pour lui. Et ensuite il rajoute. Par exemple, s'il se dit j'en ai fait que 3, ce qui est le minimum, il rajoute une quatrième. Et par crainte qu'il en ait fait en réalité 4 et qu'il a ajouté une cinquième, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il fait son jus de sahou. Son jus de sahou. De prosternation, de distraction. Donc on avait expliqué la dernière fois que la règle générale, la plus facile à retenir, c'est celui qui oublie une chose dans la salat, c'est-à-dire qu'il réduit sa salat d'une chose et s'en rappelle par la suite, lui, son sujud de sahou, il le fait après le tashahoud, avant de faire le taslim. Avant de dire assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et celui qui rajoute une chose, qui fait une chose en plus dans la salat, D'accord. Lui, son sujud de sahou, il le fait après le taslim. C'est-à-dire qu'il fait son tashahoud, il fait le taslim et après il se prosterne deux fois. Et il fait le takbir avant de se prosterner également. Il fait le takbir avant de se prosterner. Thumma yakul, ma tatafalu al-mar'atu iza saha al-imam. Comment est-ce que la femme maintenant doit agir, elle, si jamais l'imam se trompe? Car la femme, elle, ne doit pas lever sa voix. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Tout safiq, elle frappe des mains. Car le tasbih, c'est le fait de dire subhanallah, ça c'est que pour les hommes. Et le fait de frapper les mains, ce n'est que pour les femmes. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, qu'il a dit le fait de lever la voix en disant subhanallah, cela c'est pour les hommes. Le fait de frapper les mains, c'est pour les femmes. Apporté par Al-Bukhari dans la salat. Par contre, si les femmes ne sont que entre elles, qu'il n'y a pas d'homme avec elles, par exemple, elles font la salat entre elles, l'imam c'est une femme, là elle peut dire le tasbih, qu'il n'y a pas d'homme qui l'entende. Mais si jamais derrière un imam homme, par exemple, et que les hommes ne sont pas rendus compte de l'erreur de l'imam, mais elles s'en sont rendues compte, elles tapent des mains. Elles tapent des mains par rapport à cela. Et de là, les ulama ont dit que frapper des mains, à part dans ce cas-là, ou lors des célébrations, comme les mariages ou les regroupements de distractions pour les gens, comme pendant les fêtes, ou les alikas, que frapper des mains pour les hommes, cela n'est pas permis. Déjà, c'est une ressemblance au mushrikin, comme encore le ta'ala, en makana salatuhu min al-bayt il est muka ou tasdiyah, que leur salat auprès de la maison sacrée, c'est-à-dire les mushrikoun, n'était que sifflement et tapement des mains. Donc cela fait ressembler au mushrikin. Et également, c'est une ressemblance aux femmes, comme le montre ce hadith-là, d'après la parole de beaucoup de savants. ثم قال ما هما الأسودان طيب هذا السؤال أن يمر عليه donc on va s'arrêter là aujourd'hui alhamdoulillah bien del cadre on a coulé alhamdoulillah bilalamin